t'envoie des SMS, des petits mots sympas, des messages en forme d'SOS, mais tu ne réponds pas. Ce n'est pas que je m'inquiète, mais ça fait déjà quelques jours que je n'ai pas de nouvelles de toi. Je languis d'impatience d'entendre ta voix. J'entortille mes cheveux avec le bout de mes doigts. Je surveille le téléphone posé devant moi. On sait jamais s'il sonne, je veux être là. Ma tête tout s'en mêle comme une obsession. Je me pose sans cesse une tonne de questions, des pourquoi et des comment qui restent sans réponse. Plus je persiste, plus j'y pense et plus je m'enfonce. Je me résigne, puisque de toute façon tu ne donnes aucun signe. J'éprouve une grande tristesse, mon cœur est en lambeaux. Je vais adoucir ma peine en jouant du piano.